Ces temps-ci, je sais pas comment ça, on en reparle de Marie-Soleil Touga, là, il y a Carl Tremblay qui est décédé. Puis c'est des gens, ils vont entrer au niveau de l'identité collective, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'âme du peuple. Comment? Ben souvent, ils entrent dans la mémoire en mourant, surtout s'ils meurent jeunes, puis c'est quelque chose de tragique. Donc, il y a comme des liens entre l'âme collective, puis l'identité collective, puis jusqu'à un certain point, le relationnel avec la mort. Avec les forces de vie, dans le fond, puis ce qui crée un certain dynamisme. Puis ça, c'est normal parce que, justement, on dirait que la personnalité psychologique, si on peut dire, est là pour protéger l'ego de la sa propre conscience, dans le fond. Parce que, justement, il y a de l'inconnu. Il y a des craintes, puis il y a des forces qui se manifestent à travers des pulsions, si on peut dire des pulsions de vie, des pulsions de mort. Puis la personnalité psychologique vient réguler, si on peut dire, le contact entre l'ego émotif, psychologique, insécure, puis le réel, qui, dépendamment de sa capacité à apprendre ou pas. Souvent, pour se rendre compte que, bon, finalement, là, il y a quelque chose de circonstanciel, de mécanique dans notre propre personnalité pour ça, il faut avoir beaucoup souffert. C'est-à-dire, il y a eu des cassures qui ont forcé l'observation de certains aspects que, autrement, la conscience, c'est des choses qui, justement, peuvent être engendrées par la souffrance psychologique et en engendrées aussi, mais c'est toujours des tentatives d'intégration, dans le fond. C'est-à-dire que, au niveau de l'expérimental, l'individu est dans un état de survie. Il est psychologiquement en survie parce qu'il sait physiquement en survie. Donc, il y a des craintes, il y a des peurs. Finalement, c'est lié à ce qu'il pense, à ce qu'il pense de la vie. Parce que c'est pas réellement tout le temps ce qu'il sait, réellement. Il y a des choses que l'ego sait, mais qui. Il ne veut pas savoir qu'il sait, ce qui est paradoxal. La personnalité, ce n'est pas une identité. Pas encore. La personnalité, c'est l'incrustation psychologique de votre expérimental circonstanciel à travers la mécanique inconsciente de l'inné, puis l'acquis, dans le fond, de votre moi psychologique, selon des lois du mental inférieur. C'est-à-dire soumis à de l'expérimental circonstanciel. Il y a un contexte avec des forces, des jeux entre des forces, puis il y a des transferts entre des structures, puis il y a un dynamisme, une mécanique. Ça fait partie de la, qu'on pourrait dire, entre parenthèses, la vie. Si on prend un grec, par exemple, un grec de restaurant, là, genre un grec de restaurant de Montréal, quand le voyant, on se dit, on le voit et on se dit, ah, ça c'est un grec du restaurant. C'est presque une caricature de grec. Il y en a de même beaucoup à Montréal, autour. Tandis que si on regarde comme des grecs dans un grand centre en Grèce, ils ont plus l'air de monsieur, madame, tout le monde, là, comme on voit un peu partout en Occident. Le moi psychologique d'un grec à Montréal, il risque d'avoir plus besoin de grécitude, là, entre parenthèses, à Montréal qu'en Grèce, parce qu'il n'est pas en Grèce. Son identité psychologique se livre à des activités de compensation pour rééquilibrer la perte d'identité psychologique drainée par l'adaptation à un milieu qui l'identifie probablement psychologiquement, au niveau psychologique, comme étant pas le sien. Donc, c'est un rééquilibrage au niveau d'une identité psychologique, mais c'est pas une identité réelle vraiment encore. Faut souffrir psychologiquement beaucoup pour que même ces structures de défense-là, de consolidation-là, s'effondrent, puis qu'on est obligé de passer à autre chose, là. Des souvent des circonstances de la vie qui vont forcer jusqu'à un certain point. Au niveau du circonstanciel, si le même grec, là, il avait à venir à Montréal, s'il avait été adopté par, je sais pas moi, un couple de Chypriotes ou disons un couple turc qui a été élevé par eux sans savoir qu'il est d'origine grecque, il se dira turc, Ce sera une partie de son identité. Il se dira turc, puis peut-être même qu'il va détester les Grecs, puis la Grèce. L'identité psychologique, c'est pas la véritable identité. Un individu qui se conscientise, il doit sortir du psychologique pour étudier les aspects de sa personnalité qui viennent pas de sa conscience, qui sont dus au contexte, qui sont dus à l'hérédité. Pour ça, il faut qu'il se désengage émotivement des formes sécurisantes mémorisées par son identité psychologique. L'individu doit faire face à ses peurs comme des déformations de l'information au niveau de sa conscience. Il doit sortir du psychologique pour débusquer par l'observation les facettes de son identité psychologique qui ne viennent pas de sa conscience. Tout simplement, tout ce qui ne vient pas de sa conscience. L'identité véritable, c'est la conscience de l'individu qui se conscientise en nourrissant sa conscience en expansion par la destruction des formes inconscientes de l'identité psychologique, par l'observation mécanique de la mécanique psychologique à travers sa conscience intégrative. Dans le sens que tout ce qui n'est pas réel, qu'on supporte, la souffrance psychologique, elle va être causée entre autres par ce qui n'est pas réel en vous, dans le sens que ce qui est réel au-delà de vous, essaie de vous le communiquer. Ça crée un stress sur les structures psychologiques. Ça crée une énorme tension. La personnalité réelle, elle demande juste à venir au monde, puis l'enfantement, c'est tout le temps souffrant. Dans le plan matériel, dans le fond. Hein, surtout une conscience réelle, une conscience nouvelle. Dans le fond. Moi, je le vois de même. L'identité psychologique, c'est juste une construction qui doit être surpassée. La job des forces de vie, c'est pas de vous rendre heureux. La force des jobs des forces de vie, c'est de vous rendre conscient. Si vous voulez à tout prix être heureux, bien, ça va se faire à partir d'une conscience. Hein? Si on est heureux, c'est la job de la conscience. C'est pas pour rien qu'on souffre psychologiquement. Parce que les forces de vie, elles, c'est complètement autre chose. Eux autres, la pression que ça fait, puis la souffrance que ça engendre, parce que l'information passe pas nécessairement, mais c'est de l'information, la souffrance. Peu importe comment on regarde ça, c'est tout le temps de l'information. Même une petite coupure, les nerfs vont transmettre l'information, c'est de l'information pour dire qu'il y a quelque chose.